Goldorak. Non, non, mais mine-toi parce que je vais prendre. Ouais. Ouais, bon, allez. Vas-y, fais tes statistiques. Alors, ok, alors, tu te souviens, on s'est parlé lundi, GG. Ouais, vas-y. Alors, bah, je voulais tenir, je tenais à signaler quand même bah, tes progrès au niveau de la politesse. Ouais. Parce que, au niveau des insultes, t'as quand même la semaine dernière balancé 3 fois moins d'insultes que la semaine d'avant. Mmh. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Ouais, tu m'écoutes. Alors, je te disais, t'as quand même balancé 3 fois moins d'insultes que la semaine d'avant. Mmh. Ok. Par contre, bah, t'as toujours autant, voire même un petit peu plus de problèmes caméra, d'après ce que j'ai pu relever. Ouais. Petite augmentation de 20% quand même, donc bon, va peut-être falloir se calmer sur la caméra. Mm-hmm. Par contre, ce qui va pas du tout, c'est au niveau de tes expressions, quoi. On est en constante augmentation. On en est à 328 quand même. Ouais, ça fait quand même une de tes expressions à la con toutes les 27 secondes. Non mais attends, dans ce cas, si c'est... Ouais, non, vas-y, vas-y. Attends, toi. J'installe une boule à facettes. Mais punaise, ils sont en train de m'installer une boule sur le coin de la tranche. Si ça tombe, je t'explique pas, je vais la prendre sur la tête. Ça, je vais être tranquille. Donc, ouais, ben, de manière... Manière, ouais. Bon, ben, si ça te plaît pas, ben, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, mon bon. Bon, bah, bon, allez, hop, tu dégages, ouais, par exemple. Ouais. Ouais. Donc, c'est tout ce que tu avais à dire? Bah, ouais, un peu de choses près. Si ça t'intéresse de savoir quand même la proportion, je sais pas si tu te souviens, entre les mecs et les nanas. Ouais. C'est quand même vachement plus poli avec les nanas, quoi. T'insultes entre 2 et 2 fois et demi plus les mecs que les nanas, quoi. Donc, non, mais j'insulte plus les mecs que les nanas, parce que les nanas, de manière, c'est elles qui restent le plus poli envers moi. Ouais, de manière, ouais. Donc, là-dessus... Ouais, c'est bon, ouais. Voilà. Voilà. Donc, donc on te retrouve la semaine prochaine avant de commencer les débats. Merci. Ouais. Hey, GG. Quoi? Je peux te mettre mon fulgure au point dans le derrière? Bah tu restes poli s'il te plaît et tu retournes au standard, d'accord? Non mais c'est juste une question, ça te dérange? Non mais tu retournes au standard, ça sera mieux. Allez hop, tu dégages. Ouais bah tu dégages maintenant. Allez, tu dégages. Allez hop. Et toi t'arrêtes maintenant, d'accord? T'arrêtes avec bon, ça y est, ça tient là avec cet engin de malheur là-haut au-dessus de ma tête. Là, Jean-Luc! Bon, c'est bon, bonne nuit à toi. Je vais te dire, ouais. Ouais, ben, bonne nuit. Bonne nuit, c'est bon. Bande de cons. Allez, hop. Allez, hop, dégage. Allez, hop, bonne nuit. Allez, dégage.